Lorsque revint l'été, il fallut aller, entre guillemets, remuer la bête dans sa côte. C'était loin. Le goujat, plus furieux chaque matin, partait son pas lourd à travers les blés. Les hommes qui travaillaient dans les terres lui criaient, par plaisanterie, « Hé, Zidore, tu me feras mes compliments à Coco !» Il ne répondait point, mais il cassait en passant une baguette dans une haie. Et, dès qu'il avait déplacé la taille du vieux cheval, il le laissait se remettre à brouter. Puis, approchant traîtreusement, il lui cinglait les jarrets. L'animal essayait de fuir, de ruer, d'échapper au coup. Il tournait au bout de sa corde, comme s'il eût été enfermé dans une piste. Et le gars le frappait avec rage, courant derrière, acharné, les dents serrées par la colère. Puis, il s'en allait lentement, sans se retourner, tandis que le cheval le regardait partir de son œil de vieux, les côtes saillantes, essoufflé d'avoir trotté. Et il ne rebaissait vers l'herbe, sa tête osseuse et blanche, qu'après avoir vu disparaître loin la blouse bleue du jeune paysan. Comme les nuits étaient chaudes, on laissait maintenant Coco coucher dehors, là-bas, au bord de la ravine, derrière le bois. Zidore seul allait le voir. L'enfant s'amusait encore à lui jeter des pierres. Il s'asseyait à 10 pas de lui, sur un talus, et il restait là, une demi-heure, lançant de temps en temps un caillou tranchant au bidet, qui demeurait debout, enchaîné devant son ennemi, et le regardant sans cesse, sans oser paître, avant qu'il fût reparti. Mais toujours cette pensée restait plantée dans l'esprit du goujat. Pourquoi nourrir ce cheval qui ne faisait plus rien? Il lui semblait que cette misérable rosse voulait le manger des autres, voulait l'avoir des hommes, le bien du bon Dieu, le voulait même aussi, lui, Zidore, qui travaillait. Alors, peu à peu, chaque jour, le gars diminua la bande de pâturage qu'il lui donnait en avançant le piquet de bois où était fixée la corde. La bête jeûnait, maigrissait, dépérissait. Trop faible pour casser son attache, elle tendait la tête vers la grande herbe verte et luisante, si proche, et dont l'odeur lui venait sans qu'elle pût y toucher.